de protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou fermez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ça va et vous ? Ça va. Ça va, hein ? C'est pas trop dur ? Oh, monsieur ! Monsieur ! Ma cigarette est à l'extérieur ! Ressortez de l'extérieur, monsieur ! Ma cigarette, je suis dehors, pas ici ! Madame, interdit le vélo. C'est pour vous, madame, c'est pour vous. La cigarette.